Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est déjà l'heure de coup de cœur. J'espère que vous êtes en pleine forme, moi c'est le cas. Je vous sais de plus en plus nombreux à l'écoute de notre rendez-vous hebdomadaire et je vous en remercie. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui une très jolie voix mise à l'honneur. Je reconnais que le premier titre du programme aurait pu vous mettre en difficulté pour l'identifier. Vous qui étiez à l'écoute la semaine dernière, vous n'avez plus de doute, vous connaissez l'identité de notre artiste du jour. Pour les autres, essayez de deviner. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Listen to the silence, listen to the magic, the sacred space we have. Listen to the silence, listen to the magic, the sacred space we have, the sacred. Listen to the silence, listen to the magic. The sacred space we have. Listen to the silence. Listen to and imagine the sacred space we have. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Alors je reconnais cette chanson extraite du dernier album de Lara Fabian est un petit peu difficile à identifier, c'est un petit peu planant, ça ressemble à de la musique de relaxation, mais en tous les cas la voix est là. Alors Lara Fabian, de son vrai nom Lara Sophie Cathy Crockert, est née en janvier 70 dans la commune de Bruxelles, en Belgique bien sûr. Elle est chanteuse, mais auteure, compositrice, donc belgo-canadienne. Elle chante en plusieurs langues. Plusieurs, c'est un terme faible, puisqu'elle chante en français, anglais, allemand, sicilien, italien, napolitain, portugais, espagnol, grec, russe, latin, hébreu, turc, azerbaïdjanais et mandarin. Elle a sorti une quinzaine d'albums studio et s'est fait donc connaître au niveau international. Elle est l'enfant unique de Pierre, un Belge, et de Maria, une Sicilienne. Le prénom Lara vient du personnage principal féminin du docteur Jivago. En effet, c'est un prénom qui se prononce de la même façon dans toutes les langues et avec tous les accents, à l'inverse de Laura, qui était le prénom que sa mère voulait initialement lui donner. Son nom de scène est inspiré par un oncle appelé Fabiano, tout simplement. Elle est donc née en Belgique, elle passe ses 5 premières années à Catane, au pied de l'Etna, puis revient dans la périphérie de Bruxelles. C'est également à l'âge de 5 ans qu'elle commence à s'intéresser à la musique et à la chanson, en écoutant Eve Brenner à la radio. Ses parents décident alors, vers l'âge de 6 ans, de l'inscrire à des cours de chant, plus tard de solfège, de piano et de théâtre. Elle commence son éducation musicale au Conservatoire Royal de Bruxelles en 1978. Elle y étudie le chant lyrique pendant 10 ans, tout en commençant à écrire des chansons. On va l'écouter dans un titre « Je me souviens » et puis j'ai cité Eve Brenner. Le titre du morceau sera « Le matin sur la rivière ». Je pense que le nom de l'interprète ne vous dit pas grand-chose, mais quand vous allez l'écouter, vous allez reconnaître un titre que vous avez déjà entendu il y a quelques dizaines d'années. Des fleurs de lys blanches sous un ciel bleu de cristal, des balades sous une neige en forme d'étoile, des érables aux couleurs d'une passion. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. Les odeurs d'une forêt qu'un beau lac dévoile, les reflets d'un grand feu sur nos visages pâles, une lumière intense par des nuits boréales. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. Des paysages qui mélangent au plus que parfait, et des sons que la nature ne refait jamais, l'impression d'être entré au jardin de la paix. Je n'oublie rien de rien, et je reviens. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Je vous rappelle le nom de cette chanteuse que nous venons d'écouter, Eve Brenner. Alors, c'est quand même le genre de chanson, vous fermez les yeux et vous avez des envolées d'images qui vous apparaissent. C'est vraiment, ça n'engage que moi, l'inverse du rap. Vous pouvez fermer les yeux, il ne se passera pas grand-chose. On continue ce coup de cœur, Lara Fabian. En 1978, ses artistes fétiches sont Barbara Streisand et Freddie Mercury. Auparavant, elle s'est présentée à l'âge de 8 ans au test d'entrée au conservatoire de danse, mais le verdict, attention à vos oreilles, je cite, « Elle est vraiment trop grosse, elle a les pieds plats, elle a des grosses cuisses. » Ah bah tout ça, ça a brisé son rêve d'enfance d'être ballerine, ce qui engendrera également ses difficultés à accepter l'image de son corps. Elle commence à chanter dans les clubs et pianos-bars de Bruxelles et de la région dès l'âge de 14 ans, accompagnée notamment à la guitare par son père, qui fut guitariste et choriste pour Petula Clark. En 1986, elle rencontre Marc Lersch. Il lui compose 8 chansons et elle gagne différents concours amateurs. Rencontre, alors là c'est plus important, avec le producteur Hubert Teschergen, qui décide lui de la sélectionner pour représenter le Luxembourg au 33e concours Eurovision de la chanson, se tenant à Dublin en avril 1988. Elle y chante « Croire », une chanson écrite par Alain Garcia et composée par Jacques Cardona. Au terme du décompte des points, elle se classe 4e sur 21 participants. On l'écoute tout de suite « Croire » et on retrouvera Queen « Another One Beats the Dust ». Je ne sais pas si l'accent y est, mais le cœur en tout cas est là. Jet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. I'm satisfied, I'll let you stay. En 1990, notre coup de cœur Lara Fabian rencontre Rick Allison à Bruxelles. Cette rencontre musicale et sentimentale se révèle déterminante pour la suite de sa carrière puisqu'ils décident de tenter leur chance au Québec. C'est en août 91 que son premier opus Lara Fabian sort au Canada. Le disque se vend à 100 000 exemplaires et elle multiplie les concerts à travers le Canada pendant 2 ans. Rétrospectivement, elle estime que plus encore que le concours Eurovision qui a lancé sa carrière, on vient d'écouter Croire, c'est son départ pour le Québec à 20 ans qui a été le tournant le plus important de sa carrière. En 1994 sort son deuxième album qui s'appelle Carpe Diem, qui est un succès immédiat au Canada. En 2 semaines, l'album devient disque d'or grâce au single Tu t'en vas, Si tu m'aimes et Leila. L'année suivante, l'album est certifié triple platine. Elle entame alors sa première tournée Sentiment acoustique à guichet fermé. En janvier 1995, c'est Serge Lama qui l'invite à chanter avec lui Je suis malade à Paris au Palais des Congrès. On va écouter Si tu m'aimes, donc de son second album, le titre qu'il a vraiment propulsé vers le succès, puis Serge Lama. Je ne peux plus respirer, j'entends

82, situé dans le 9e arrondissement de Paris et dans lequel sont regroupées des reproductions en cire de personnages célèbres, plus vrais que nature. Lara Fabian enregistre ensuite son premier album en anglais aux États-Unis. Et cet album en anglais qui s'appelle Lara Fabian sort en 1999 avec le single Adagio et dépasse, tenez-vous bien, les 2 millions d'exemplaires vendus. La carrière internationale de la chanteuse est lancée. Je vous propose de retrouver Je t'aime, puis Barbara Streisand, Memory. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Au moins souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Pavement, has the moon lost her mare? She is smiling alone in the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory all alone in the moonlight, I can dream. The memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters, and the street lamp sputters, and soon. En août 2001, quatrième album de Lara Fabian en français, le titre c'est Nu, et cet album est lancé à Montréal. Porté par J'y crois encore, Immortel, Aimé déjà et Tu es mon autre en duo avec Morane, l'album reçoit un double disque de platine en France et un disque d'or en Suisse et en Belgique. Fin 2001, Lara Fabian repart en tournée et en 2002, elle organise un concert privé qui lui donnera l'idée du spectacle En toute intimité qu'elle présente en Europe francophone en 2003 et d'où sera tiré un album live En toute intimité, le même titre, qui sort en octobre 2003 et reçoit un disque de platine encore en France. En 2004, elle poursuit sa tournée acoustique qui l'emmène à Tahiti, en Russie et au Liban. Et en juin, sort en Europe son deuxième album en anglais, A Wonderful Life. Je vous propose de retrouver le duo mythique Tu es mon autre avec la regrettée Morane. Tu m'embryonnes et tu me gardes. En février 2005, paraît le cinquième album français de Lara Fabian. Son titre, c'est 9, comme le chiffre, qui marque un tournant dans sa carrière, car elle se sépare à ce moment-là de Rick Allison, son compagnon depuis ses débuts. Cette nouvelle galette est un quatre-mains avec son ami Jean-Félix Lalanne. Disque de platine en France et en Belgique, l'album contient notamment les singles La Lettre, L'homme qui n'avait pas de maison, Anne Ave Maria, Il ne manquait que toi et ne lui parlait plus d'elle. En octobre 2006, après une tournée européenne de 80 dates, sort l'album live qui en découle un regard neuf porté par l'inédit M. En 2007, elle commence une collaboration musicale avec le compositeur russe Igor Krutoï, ce monsieur ayant été séduit après un de ses concerts à Moscou. Et c'est en 2009 que sort l'album « Toutes les femmes en moi », composée uniquement de reprises de chanteuses, dont « Soleil, soleil » ou encore « Amoureuse », disque de platine en France. Il reçoit également un disque d'or en Belgique et en Russie. L'album multilingue « Mademoiselle Zivago » sort en novembre 2010 en Russie et dans les pays de l'Est, où il connaît un grand succès. Et la chanteuse part alors en tournée dans les pays de l'Europe de l'Est et du Nord, où elle se produit notamment 3 soirs au Kremlin. Je vous propose de retrouver « Soleil, soleil » initialement interprété par Nana Mouskouri, puis quelqu'un qui n'est pas du tout étranger à la vie de Lara Fabian, puisqu'il s'agit de Patrick Fiori en duo avec Angelina sur les épaules de mon père. Pour toi, oh, soleil, soleil, Fadjet, la chanson française. La chanson française. Après avoir interprété le titre « Deux îles, deux ailes » lors d'une soirée en faveur du mariage pour tous, Lara Fabian publie l'album « Le Secret » en avril 2013 sous son propre label qui s'appelle « Neuf Productions ». Il est classé numéro 1 des ventes. Depuis 2013, elle est régulièrement présente à la télévision française et québécoise dans des télécrochets. Et en 2015, elle sort un nouvel album en français, « Ma vie dans la tienne », certifié disque de platine encore en France. L'album « Camouflage », entièrement en anglais, sort en octobre 2017. Et la chanteuse y propose une nouvelle manière d'explorer sa voix dans un univers électropop orchestré par le Suédois Mo Deneby. Quoi vous dire, début 2019, pour la veille de ses 50 ans, Lara Fabian lance la tournée 50 World Tour, ainsi que l'album en français Papillon. L'année suivante, elle fait partie du jury de la 9e saison de The Voice sur TF1, notamment aux côtés d'Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Elle a dévoilé le 16 décembre 2020 un dernier album en date, Lockdown Session, dont a été extrait le premier titre que je vous ai fait écouter en début d'émission. Alors elle vient de triompher également dans une tournée internationale qui s'est terminée fin 2022. Côté vie privée, alors Lara Fabian a été en couple avec l'auteur-compositeur Rick Allison, je l'ai évoqué dans sa carrière musicale. Elle a rencontré Patrick Fiori en 1998 également lorsque celui-ci se rendait au Canada. et elle considère que cet homme était l'homme de sa vie et comme la personne avec qui elle était sûre d'avoir son premier enfant. Le couple se sépare en 2000 après 2 ans de relation. Elle a également partagé sa vie de 2003 à 2006 avec un autre auteur-compositeur, Jean-Félix Lalanne, qui a fait partie des créateurs de chansons qu'on a évoquées pendant l'émission. Elle rencontre ensuite Gérard Pulicino. Ensemble, ils ont une fille, Lou, née le 20 novembre 2007. Le couple se sépare en 2012. Et le 28 juin 2013, elle se marie avec le magicien d'origine sicilienne, Gabriel Di Giorgio. Voilà une vie amoureuse bien remplie, semble-t-il. Je vous propose de retrouver, je vous l'avais promis, ce duo mythique, un grand morceau de la chanson française avec Johnny Hallyday, Requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud, je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur. Plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. Car que serait ma vie sans lui? Yeah. N'était qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou. Fou d'amour. Mon ciel s'éteint, ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps l'aimait tant, et que pour la garder, je l'ai tué pour qu'un grand amour. Pour qu'un grand amour. Il faut qu'il meure, oui, qu'il meure d'amour. Le jour se lève, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lannée. Et la fête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Crevez-moi le cœur, je suis prête. Je veux m'endormir pour toujours. Pour toujours. Je n'étais qu'un fou. Qu'un fou. Mais pas. Un fou d'amour. Mon ciel s'éteint, ses yeux, sa bouche. Vie, c'était son corps et je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Je ne suis qu'un fou. Oh, tu n'es qu'un fou. Un fou. Oh, tu meurs. n'est pas de la prétention parce que je n'y suis vraiment pour rien, mais c'était une belle émission de grandes chansons grâce à l'univers de Lara Fabian. J'espère que vous avez partagé ce plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de coup de cœur, mais on sera en début de mois puisque c'est déjà le premier jeudi du mois de mars. Donc ce sera le classement de nos hits coup de cœur. Vous en connaissez maintenant le principe. Je vous souhaite en attendant une excellente semaine. Restez bien à l'écoute des programmes de Fadjet. Je vous embrasse bien fort. Salut !